dessine des gens qui meurent. Capri Sancho, café français, ma vie. Je forge deux épées pour garder la meilleure. Et je lui donne un nom de fleur blanche qu'on trouve qu'en Asie. J'ai fourré la vie à regarder son Hayat. J'ai pris moi comme sur des mèches de paillettes. Je dessine des mecs qu'on connaît en commun pour faire gollerie mon poteau qui tourne dans la lettre. Je l'ai sous-marine avec, je repense à l'heure. Ça parle mal d'un type que j'apprécie. On en a l'air tout, je me rafraîchis la mémoire. Donc je reviens dans le battle et je parle mal aussi. Nique amitié, tu m'invites pour lutter. Je crois un DVD jamais rendu. Je vide ma bouteille de porter avant de faire un mélange comme la Javel dans les invendus. Je fais le mal sans passion. Y'a plus de boulons à faire que de riz dans le cuiseur. Sans frites et boissons, le grand méchant lui souffle sur ta porte à 6h. Nouvelle basket, j'crois mon petit frère Odile. 6h, ça sent le poulet comme à l'heure du dîner. Béni soit mes galères, si me rapproche du dîner. Un jour ça part en couille, j'suis habitué. Pour une dose de crack, j'ai un between. Dans un four dérogé habité. J'ai pas le même passé que la victime. La vie fait qu'il y a des choses qu'on craint plus. 27 ans, toujours la même crapule. On connaît pour l'instant, ça bouge pas. Mais peut-être qu'un jour tu m'aimeras plus. Même chargé, tu pousses le son dans la caisse. T'as l'œil, tu prépares des mèches sans la pèse. Souvent pété, chez moi l'été, y'a des petits renois qui courent tout nus dans la tête. On arrive avec le sourire, on les baise. Denis sans mes rayons connaissent la seule vie. 10 kilos de calera, ça se cache plus facilement qu'un mètre de Tushy. J'fais le mal sans passion. Y'a plus de boulons à faire que de riz dans le cuiseur. Sans frites et boissons, le grand méchant le souffle.